toujours le même. Zoolander. Claquette. Leur instinct, c'est le bon Dieu. Donc que la mère à Highlander. La crème. Hansley. Yes. Aïe. Voilà pour plaire. Sur le terrain capuche à l'abri des sphères, on s'organise comme on peut, trafic avec les rabatteurs. On piquera pas la chaîne, ça fait le million. Photo à la chaîne, amateur. Grosse bécane, laisse les ch'tards à la traîne. On prend des risques parce qu'on a pas le choix. Joue avec la mort, elle t'écrase, tu fais pas le poids. La rue c'est pas ta mère, elle t'épargne pas si tu sais pas taire. La bicraft ça paye, contrairement à d'autres j'suis pas de salaire. Reste toujours les mêmes trendlets, j'tape toujours les mêmes galères. La rue c'est pas le football, tu fais une photo, tique ta mère. C'est chacun pour sa peau, quand tu pétons y'a plus de poteau. Et ouais, la vérité ça blesse comme un coup de couteau. On a les crocs postichés, on voit de sortes de drogue. Y'a du shit, ça oui, des trucs cras pour les schlacs trop croc. Un xerfoc au quartier, plus le temps de faire des détails. Dès que ça sale Hencha, je prends un billet, je me barre en taille. J'suis pas là pour plaire, y'a que les vrais qui me comprennent. Et le flow jack, ça fils de pute, pas au contrex. Les mains pleines de sang, j'ai tout baisé tout part. Qui me de la manger, c'est pas ton père et c'est pas tout part. Colombienne, Rital, toi t'es Maltec. Ramène de Magnum en 20 minutes, j'ai toi t'es Mateille. Cousin, j'm'en bats les couilles, j'réponds masqué chez moi. Les vrais inconnus arrivent bécane et casqué. Ah ouais, j'dégueille la tronçonneuse car y'a trop de bâtons dans les roues. Y'a plus de traite au checks, y'a de jeans dans une bouche d'égout. Demande à you, c'est le zoo. Sauf que les barreaux sont hebs, il pleut des averses de bif. Même pas dans les saisons sèches, dans mon zoo, c'est l'anarchie. Ça joue les tchés pour pas se faire chier. Tous munis de galettes, prêts à archer. Ça monte au galop, à la conquête du Khalif. Sauf que terrain, mais ça se barre en croisade comme les calibres. Frère, dans nos veines coule du sang conquérant. Comme nos ancêtres, tirailleurs trop fiers pour lâcher le front. Chez nous, c'est plein de poudre, chargeurs et de canons. Et autant de traîtres que de plans foreux qui mènent au ballon. Ok. Habla mafia, tu peux perdre un témoin même si t'as le bras long. J'suis pas là pour plaire, y'a que les vrais qui me comprennent. Et le flow jack, sale fils de pute, pas au contrex. Les mains pleines de sang, j'ai tout baisé tout part. Qui me de la manger, c'est pas ton père et c'est pas tout part. Colombienne, Rital, toi t'es Maltec. Ramène de Magnum en 20 minutes, j'ai toi t'es Mateille. Cousin, j'm'en bats les couilles, j'réponds masqué chez moi. Les vrais inconnus arrivent bécane et casqué. Ok, la crime, claquette. 19ème, 9-4, toujours le même.